parle d'une personnalité que pour moi, je vais prendre Michel Jasmin. Ce gars-là, il a vécu beaucoup. Je trouve que c'est un homme qui est charmant et une belle personnalité. Lui, il a l'affaire d'impression. Il s'adapte à n'importe quoi. Je trouve qu'il est correct. Ce gars-là, il y a à peu près tout. Si vous regardez les vedettes de cinéma, parce que c'est un monde bien à part, le monde du cinéma. Les vedettes de cinéma, les stars, là, qu'on appelle, là, dans les hommes et les femmes, ces gens-là, il y en a parmi eux qui ont extraordinairement charme. D'ailleurs, c'est ça qui leur donne leur c'est un pouvoir, le charme. C'est définitivement un pouvoir. Ça fait partie de la sensibilité, oui, de l'âme. Catherine Deneuve, je dirais pas qu'elle a du charme. Hein? Gérard Philippe, faut que je le place. Là. Un comédien. Il est décédé. Je m'en rappelle pas. Là, je les connais pas beaucoup, moi, ces gens-là, parce que j'ai pas suivi tellement le théâtre. Mais En tout cas, m'en parler un soir de cette affaire de charme là. Hey, J'aime. Ouais, sa conscience qui ajoute. C'est bien le fun de parler de ces affaires-là. Ouais, mais c'est parce que je sais jamais ce que je vais parler quand je fais une rencontre. C'est là, tu sais. Là, je parle de ça parce que c'est la fin de la soirée pour, tu sais. Mais je peux pas m'engager là-dedans parce qu'il y a trop à dire.

C'est pas regardant. Pis ça pue. Ah! C'est bon. C'est si beau, une femme, hein? Pas comme un homme, une femme. Une femme, un homme, ça n'a pas besoin d'être beau. Un homme, ça peut avoir une belle personnalité, ainsi de suite. Une femme, qui c'est bien ajustée, c'est beau, une femme. Qu'elle soit jeune ou vieille. Il y a des femmes qui sont vieilles, puis ils ont l'air radiant. Beau, femme. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Puis ça, j'ai accusé les hommes dernièrement. J'ai dit, les hommes aiment toujours ça que leurs femmes soient belles. Mais eux autres sont tellement égocentriques qu'ils sont pas capables de se mettre dans la tête que leurs femmes aiment ça, eux autres, qu'eux autres aussi soient beaux. Ouais. Mais les hommes ne réalisent pas ça. Ah, oh, faut que leurs femmes soient belles, mais eux autres, là, ils ne réalisent pas. On le voit tout de suite quand un homme est bien mis. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est à cause de l'égocentricité de l'homme, ça, c'est. La femme, faut qu'elle soit belle. Mais lui, là. Il ne réalise pas. Non. C'est beau. C'est comme ça, la job de la femme de tout se pomponner. Hein? Oui, je sais bien quand je me mets beau à la maison, ma femme, elle aime bien ça. Elle aime ça. On n'est pas bien astral, nous autres, mais elle aime ça pareil. Regarde-moi pas de même. Je peux pas faire autrement, si tu veux. Continue. Je suis trop cute, moi. Oui, bébé. C'est ça qu'on veut dire. Okay.